Chapitre 20. Un fâcheux accident. Derrière son rideau, immobile, pénétré de l'orgueil légitime d'avoir mené à bien jusque-là la mission qu'il s'était donnée, Escander ne songeait plus qu'à retrouver Mademoiselle Laurière. Il attendit encore un moment. Le silence était si profond qu'il perçut, malgré l'éloignement, le bruit du balancier de la pendule. Alors, pleinement rassuré, il fit tourner la crémone de la fenêtre, entr'ouvrit celle-ci et se pencha au dehors. Retourner par où il était venu était trop dangereux. Escander cherchait un autre chemin. Le saut à exécuter pour atteindre le sol était d'importance. Escander le jugea impossible. Mais au-dessous de la fenêtre, un étroit entablement courait tout le long de la façade, si étroit qu'il y avait à peine la place de poser le pied. « C'est pourtant par là qu'il faut que je me dirige, » se dit le reporter. « Mademoiselle Laurière doit habiter une chambre à fenêtre, car ils ne l'ont certainement pas mise dans un cachot. Ces choses-là ne se passent que dans les romans. » »« Donc, en allant de fenêtre en fenêtre, j'ai quelque chance de réussir. » Hardiment, comme quelqu'un qui prend un parti extrême, mais qui le prend avec courage, il enjamba la barre d'appui et posa le pied sur les trois chemins qui pouvaient le conduire à la réussite, mais d'où aussi une chute mortelle pouvait le précipiter. Le dos contre la muraille, les talons seuls posés sur l'entablement, il commença son périlleux voyage. Il chemina ainsi le vide sous les yeux. La moindre saillie de la pierre, la moindre sculpture des façades pouvait rompre son équilibre. Mais il ne songeait pas au danger et continuait d'avancer, soutenu par l'espoir qu'il allait retrouver Germaine. Il venait de contourner un coin du château et entreprenait l'exploration d'une autre façade, quand, à quelques pas de lui, un mince filet de lumière éclaira la corniche. Allait-il s'arrêter? Continuerait-il? L'hésitation ne fut pas longue, il continua. Nous l'avons dit, le journaliste était rompu à tous les exercices du corps par un entraînement rationnel. Il s'accroupit, se coucha, et rampant sur l'étroit rebord de pierre, avança jusqu'à la fenêtre lumineuse. Là, il leva la tête, et sur la fente du rideau, à travers le vitrail, il explora la pièce. Il eut un petit rire nerveux, à moins que ce ne fût un sanglot. Mademoiselle Laurière était là, assise auprès d'une table où elle écrivait. Sans hésiter, il frappa sur le vitrail, trois coups espacés, pour que la jeune fille ne se méprît pas sur la nature de ce bruit. En effet, au second coup, elle leva la tête, au troisième, elle se dressa et vint à la fenêtre. Escander se mit à genoux et, d'un éclair de sa lampe, illumina son visage. Germaine le reconnut. Elle joignit les mains, puis, ce dernier émoi passé, elle fit comprendre qu'il était impossible d'ouvrir la fenêtre. Cela n'était pas pour arrêter Escander. À l'aide de son couteau, il entama le vitrail, dessertissant les uns après les autres les différents morceaux qui le constituaient, et quand il n'eut plus affaire qu'à une sorte de dentelle de plomb, il la tordit, l'arracha et sauta dans la chambre. La jeune fille, frémissante, appuyée contre un fauteuil, allait s'élancer vers lui, se blottir contre cette poitrine généreuse dans laquelle battait un cœur qu'elle se savait acquis. Mais un sentiment de réserve féminine la retint. Elle tendit ses deux mains, Escander les prit, les serra doucement. L'aveu était sur leurs lèvres, mais leurs lèvres ne s'ouvrirent pas. « Ne perdons pas de temps, » dit le journaliste ramené à la réalité. « Peut-on sortir d'ici ?»« Non, par les bas, il y a un gardien derrière la porte. »« En le tuant ?»« Non, oh non !»« Alors avisons, d'abord éteignez les lumières. » Sa décision fut vite prise. Il alla au lit, en arracha les draps qu'il tordit. Il revint à la jeune fille, lui noua l'une des extrémités d'un drap autour de la taille, la fit passer par l'ouverture qu'il avait pratiquée dans le vitrail et la laissa filer. Arrivé en bas, lui avait-il dit, vous vous détacherez. Escander avait estimé que les deux draps pouvaient avoir à eux deux 6 mètres, peut-être 7 de longueur, mais quand il eut tout filé, il sentit que la jeune fille n'avait pas encore touché le sol. Il se pencha à la fenêtre, tendit le bras qui soutenait le cher fardeau, puis il lâcha le drap en prêtant une oreille anxieuse. Aucun bruit de chute ne lui parvint, aucun petit cri annonçant une douleur ou un danger. Il revint dans la chambre, prit une couverture, la lia fortement à un croisillon de fer des bois du vitrail, puis à son tour il allait se laisser glisser, quand il sentit une très vive douleur au poignet et quelque chose de chaud qui coulait entre ses doigts. « Je me suis coupé une veine, » pensa-t-il, « ce n'est plus le moment de s'attarder. » Il empoigna la couverture, descendit, mais la couverture était trop courte et il dut lâcher prise avant d'avoir atteint le sol. Escander savait que le saut exécuté n'était pas un jeu, mais il ignorait où et comment il allait tomber. Il tomba mal, à faux. Il poussa un léger cri et s'allongea à terre. Quelque chose avait craqué dans sa cheville en même temps qu'une atroce douleur lui paralysait la jambe. Germaine s'élança vers lui. Agenouillée, elle l'interrogea. « Ce n'est rien, dit-il, rassurez-vous. Je me suis coupé une veine du poignet et, je crois, tordu le pied. Attendez, votre mouchoir. » Mais Germaine avait compris. Elle fit autour du poignet blessé un pansement très serré et prêta l'appui de son bras pour aider Escander à se relever. Mais celui-ci, après un cri étouffé, retomba. C'est impossible, dit-il. Je dois avoir la cheville brisée. Écoutez-moi, Verdot m'attend là-bas derrière le château à cheval sur un mur. Allez-y, qu'il vous aide à fuir et éloignez-vous le plus vite possible. Et vous? Moi, eh bien, moi, ma patte endommagée me retient ici. Mais ça n'a pas d'importance. Allez-vous-en, chère Germaine, vite, pour Dieu, vite. Ils vous tueront. Non, allez-vous-en. Alors la jeune fille parla. Vous m'êtes plus cher que la vie ou la liberté. Vous abandonner serait une lâcheté. Je reste. » Escander, devant cette résolution qu'il sentit irréductible, ne perdit pas son temps en paroles. Serrant les dents pour ne point crier, s'aidant de ses deux bras, dont l'un commençait à le faire souffrir, et de sa jambe valide, il se traîna, aidé par Germaine, s'accrochant aux herbes, roulant parfois sur lui-même, mais se dirigeant sûrement vers l'endroit où se tenait Verdot, car l'arbre à proximité duquel ils avaient accompli leur escalade le guidait. Enfin, couvert de sueur, épuisé, lamentable, il atteignit le mur, mais là, il fut au bout de ses efforts et perdit connaissance. Germaine, sentant que désormais tout dépendait d'elle, fut à la hauteur des circonstances. Elle s'approcha de l'arbre et à mi-voix appela « Monsieur Verdot !»« Qui est là ?» répondit une voix qui semblait sortir de l'arbre même. « Germaine Laurière !»« Ah, sapristi, sapristi, vous, c'est vous !» Il y eut un froissement de branches, puis le bruit d'une chute, et Verdot se dressa à côté de la jeune fille. « Escander !» fut la première question du jeune homme à Mademoiselle Laurière. « Le voici !» Verdot, en examinant à l'aide de sa petite lampe son ami, eut une sorte de rugissement de fureur. « Ils me l'ont tué !» Germaine, bégayant, la respiration courte, les mains tordues, mit Verdot au courant de ce qui était arrivé. En même temps, elle désignait le pauvre corps étendu. Agenouillé auprès de son camarade, Verdot, la gorge déchirée de sanglots, ne perdit pas son temps. Il avait en garçon de précaution une petite taupette d'eau-de-vie. Il en fit couler un peu entre les lèvres du blessé, il en humecta ses tempes, puis quand il le vit revenir à lui, il dit à Mademoiselle Laurière « Attendez, je vais chercher de l'aide. Dans une heure, Escander sera dans son lit. » En deux bonds, il fut sur le faîte du mur et disparut. La jeune fille, toujours à genoux auprès du blessé, prit la chère tête dans ses bras. Elle resta là, silencieuse, pleine d'anxiété et aussi de bonheur. Mais Escander était une nature vaillante, pleine de ressorts. Il avait sur lui-même et sur la douleur physique un empire absolu. Après une courte absence, pour ne point dire pâmoison, il reprit conscience de lui-même, mais non pas encore des circonstances. Verdot, dit-il. Verdot est allé chercher du secours, dit Germaine, en serrant un peu plus que de raison la tête qu'elle tenait dans ses bras. C'est vous, Germaine? Oui, c'est moi, sauvée par vous. Pour Dieu, fuyez! Pas sans vous! Et la voix de la jeune fille, bien que couverte déjà par la prudence, devint encore plus basse. Mais elle ne se fit pas balbutiante, au contraire. Si elle devint plus faible, c'est que son cœur battait à lui rompre la poitrine. Pas sans vous, mon ami, parce que je vous aime, parce que vous êtes toute ma vie désormais, et que si vous deviez mourir là, je mourrais avec vous, ici. » Pour le coup, Escander, oubliant et son bras ouvert et sa cheville peut-être cassée, attira la jeune fille plus près de lui. « Germaine, ma Germaine, merci. Depuis que je vous connais, depuis ce jour où nous avons déjeuné ensemble, souvenez-vous, je vous ai dit, je voudrais vous demander quelque chose. Quoi ? Une poignée de main. Dans cette petite main qui se tendit toute ouverte pour l'étreinte demandée, j'ai mis, moi aussi, toute ma vie. Je vous aime, Germaine, pour la bonté de votre âme, pour la beauté de votre visage. et le charme est si grand, si profond, que je ne sens plus ma douleur. Chut, pour Dieu, taisez-vous, on vient. Mais sous l'afflux du bonheur, sous la violence de la contusion qu'il s'était faite, la fièvre avait pris Escander. Il ne délirait pas, mais il ne pouvait se taire. Pleine de terreur, la jeune fille se pencha vers lui. Tais-toi, pour Dieu, mon aimé, tais-toi. En collant ses lèvres sur les lèvres fiévreuses du blessé, elle l'obligea à se taire. Un pas venait, rapide, sourd, léger. Une silhouette passa. C'était un gardien. À sa ceinture brillait une petite lampe électrique, et sur l'épaule il portait une courte carabine à magasin. Cet homme devait, avec une absolue certitude de sécurité, accomplir ainsi chaque soir une besogne machinale, dont il était convaincu de la parfaite inutilité, car il ne jeta aucun regard autour de lui, se contentant de suivre l'itinéraire qui lui était assigné. Pourvu, pensa Germaine, qu'il ne passe pas sous les fenêtres. Il s'apercevra vite de ma fuite, alors nous sommes perdus. Elle fit part de ses craintes à Escander. Écoutez-moi, lui dit celui-ci, écoutez mon aimé, et surtout, quoi qu'il arrive, suivez à la lettre ce que je vais vous dire. Verdot ne peut pas tarder maintenant. Si votre fuite est découverte avant qu'il n'arrive, ne songez qu'à une chose, fuir. Par n'importe quel moyen, gagnez le faîte du mur, jetez-vous de l'autre bord, et pour le reste, laissez-moi. La jeune fille comprit qu'il serait parfaitement inutile d'essayer de combattre les ordres de celui qu'elle aimait. « Oui, oui, mais je vous en prie, tenez-vous calme. Cet homme qui vient de passer s'est éloigné du côté de la mer. Avant qu'il ne passe devant la fenêtre ou pend la couverture, il se passera bien 10 minutes. D'ici ce temps, M. Verdot sera peut-être de retour. »« Comme il tarde !» dit Escander. Les deux jeunes gens se turent. Escander avait appuyé sa tête sur le bras de la jeune fille et lui tenait les deux mains dans les siennes. Plus tard, il dit, « On m'aurait offert toutes les richesses de Tocradacipal pour changer de place, que je les aurais refusées. » Verdot revint très vite, tirant le cheval que lui et Escander avaient rencontré avant d'atteindre les clôtures du château. Il l'amena au pied du mur, puis escalada celui-ci. « A-t-il repris connaissance ? » demanda-t-il à Mademoiselle Laurière en arrivant auprès d'elle. Ce fut Escander lui-même qui répondit. « Oui, ça va mieux. Que faisons-nous ? » ? Pour l'instant, patron, il faut s'envoler d'ici. J'ai un cheval de l'autre côté du mur. Je vais vous passer sa longe, vous vous amarrerez, et puis lui et moi nous tirerons. D'abord, Mademoiselle Laurière, passez par-dessus le mur. Vous allez voir comme c'est facile. Je mets un genou à terre, vous posez un pied sur l'autre, le second pied sur mon épaule, vous vous cramponnez au faîtage du mur, je me lève, et vous y êtes. » Tout ceci fut accompli comme Verdot l'avait expliqué. Escander fut hissé à son tour, mais ce dernier effort, les horribles souffrances qu'il endurait, le firent s'évanouir de nouveau. Ce fut un véritable paquet que reçut Verdot et qu'il fit descendre doucement jusqu'à terre. Germaine se jeta sur Escander, inanimée, lui prenant la tête qu'elle souleva. « Mon Dieu, dit-elle, ce ne serait pas juste, sauvez-le. » Escander n'était pas encore au bout de son énergie. Il revint à lui au moment où la jeune fille formulait les derniers mots de son ardente prière. Il serra la main de Mademoiselle Laurière. « Rassurez-vous, ma chérie. » À ce moment, Verdot, qui redoutait quelque incident, insinua qu'il fallait songer au retour. Il prêta l'appui de ses deux mains croisées sur Escander, et celui-ci parvint à se mettre à califourchon sur le cheval, puis ils s'enfoncèrent dans la nuit.